musique permet aux mots de voltiger vers nos cœurs et nos âmes. Grâce à cela, je vous confie ma trame. J'ai envie d'ouvrir la séance sur d'autres mots. Ceux qui font aussi mal, y en a tant. Qui dans les saisons d'une vie reviennent lancinant. L'un d'eux s'appelle misère. Elle nous fait sombrer dans l'indifférence. Mais l'on finit par connaître l'errance. Misère, maladie sans frontières. Tu fais peur comme une maladie contagieuse. Alors l'isolement nous ronge. Misère, maladie honteuse. Difficile ici, ailleurs, mais pourtant différente suivant l'endroit. Il existe des contrées où le partage aide à avancer avec foi. D'autres pourtant dites civilisées où le partage ne fait pas partie des bagages. Car il faut être formaté. Aucun avantage dans l'individualité. Heureusement au fond du cœur de certains mages règne une valeur appelée humanité, humanité, humanité. Monsieur Coluche, ses idées, ses enfoirés, à toutes ces assos qui se battent pour aider, malgré cette misère qui brise la fierté. Ils redonnent espoir et font que ceux qui sont atteints remarchent, la tête haute, la tête haute. Être dans la misère n'est pas une faute. Tout le monde a le droit à un meilleur destin. Merci à ceux qui ne fuient pas, enfants, amis qui quittent nos pas, qui tous les jours nous tendent la main, à nous, les plus démunis qui ont peur de demain. Ils nous évitent de nous égarer, nous font redescendre de notre nuage, noir celui-ci, gonflé d'orage. Le cœur en rage contre l'injustice. Heureusement, l'amour est plus fort que le vice. Vice de forme, vice de procédure. Pour tous ceux atteints de cette maladie, pour tous ceux pour qui se lever devient dur, alors ils nous tirent à eux avec courage pour nous repêcher avant le naufrage. La misère n'est pas contagieuse. Même si elle se propage, elle n'a pas besoin de vaccin. L'épidémie vient de ceux qui ne veulent pas voir, qui consciemment manquent à tous leurs devoirs. Tout cela pour l'acquis du pouvoir. Alors merci à tous ceux qui, sans le savoir, sont certainement des sages et nous aident à tourner la page grâce à leur cœur de mage, leur cœur de mage, leur cœur de mage. Tournez la page, merci aux sages, sages au cœur de mage.